La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831 poste. Danny Veilleux et le bulletin de sport le complet du 10 juillet. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional pendant que c'était la Coupe du Québec de vélo de montagne qui s'est déroulée en fin de semaine à Saint-Félicien. Ça a bien été pour nos coureurs locaux. L'organisateur Martin Demers a confié sur le, au quotidien qu'il était très très heureux des résultats. À noter que William Véro de Saint-Félicien a très bien fait en remportant la victoire dans, dans sa catégorie. Alexandre Villeneuve-Gagné a terminé en deuxième place. Steve Coulombe et Justine Coulombe ont terminé respectivement premier et deuxième également dans leur, catégorie. Louis Dumas chez les maîtres experts, 39 ans, a remporté la victoire. À noter que Hugo-Pierre Dumas a fini en quatrième place. Chez les maîtres sports, 39 ans, Simon Tremblay du club vélo Gamic de Chibougamau a pris le premier rang et son coéquipier Dave Bouchard a terminé au deuxième rang. Samedi, c'était l'épreuve de cross-country qui se déroulait également toujours à Saint-Félicien. Dave Bouchard de Chibougamau a remporté la victoire, suivi de la troisième place qui est allée à Éric Dubois. Chez les 40 ans et plus, notons que Louis Dumas a triomphé. Steve Coulombe de Saint-Félicien a été le meilleur dans la catégorie maître sport expert. Alexandre Villeneuve-Gagné de Saint-Prime a pris le deuxième rang. Et chez les maîtres 50-59 ans, Luc Ménard a fini en troisième place. Et Jonathan Dallaire du club Vélo Gamic de Chibougamau a terminé au troisième rang chez les 17 et 29 ans. Et Frédéric Bergeron, tant qu'à lui, a terminé au troisième rang chez les catégories juniors experts. Et puisqu'il est question de vélo de montagne, il y avait une coupe du monde qui se déroulait en Suisse et il y avait quatre porte-couleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui étaient en action. Et à noter que Anne-Julie Tremblay a été la meilleure chez les filles avec une 29e position dans la catégorie U23. Anne-Julie Tremblay qui a bien fait pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. A noté également une 37e place pour Léandre Bouchard qui a été le meilleur Canadien dans la classe senior. L'athlète d'Allemagne a réussi un chrono en 1h35min20s. Maintenant, en senior élite féminin, Catherine Fleury a pris le 41e rang avec un chrono de 1h41min09s. Et l'Almatoise Rebecca Beaumont a dû déclarer forfait suite à une blessure à l'épaule. Parlons maintenant aussi de soccer. Il y avait des matchs dans les différentes ligues de soccer. D'abord, à noter que du côté, le Boreal d'Allemagne a fait l'attaque de Saint-Prime 7-2. Senior masculin division 1 maintenant, l'FC de Saint-Félicien a battu Saint-Ambroise 2-1. Et en senior division 2, gain de Saint-Ambroise 5-1 sur Saint-Félicien. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.